le guitariste de Neuchâtel qui a qui est un très très gentil garçon et c'est un très bel album qu'il a sorti il y a déjà 10 ans quasiment. Non, sorti en 2004 mais enregistré en 2001-2002. Une belle inspiration pour le label et tout ça. Et l'énorme avantage de participer à un album sorti sur le... Sur 3-4 Records. Sur 3-4, décidément. Mais je n'arrête pas. Écoute, ce soir, c'est bien simple, j'ai décidé de liquider mon stock. Eh bien, moi, je sors mon Joker double pute. Encore un. Eh oui, avec un, ma foi, joli morceau de Silencio. Donc un jeune drogué du nord de la France. Hein. Et... tu as hésité. Voilà. Non, il n'aime pas ça parce qu'en fait, ils sont deux. Deux drogués. Non, enfin, surtout lui. Et donc, voilà. Et double pute parce que... Double pute parce que je vais vous passer un morceau de son premier album sorti sur Un label cultissime, Grand Téton, hein, qui est malheureusement est un petit peu en hiatus, et mais qui, si j'en crois les rumeurs que l'on voit de ci de là sur les internets, va sortir bientôt un album sur 3-4, sur 3-4 là, et voilà, donc c'est un mec qui fait des trucs cool. Je n'arrête pas de dire qu'il n'arrête pas de progresser, et en fait je viens d'écouter ce premier album et je trouve que c'était déjà très bien. Donc voilà, il en reste aussi hein, au Grand Téton, je crois qu'il y a un PayPal qui fonctionne. Ça marche ton truc ? Oui, c'est un petit peu lent, voilà. Thank you. Fort bien, Fredoui. Tu as découvert un beau talent. C'est plutôt lui qui nous a découvert. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, pourquoi il n'y a pas de son? Je me disais bien. Je trouvais que c'était pas mal. Alors, on recommence. Vive le MP3. Ça craque à fond, hein. désolé, mais c'est un petit, donc c'était Agnès Montserré, hein. son EP qui s'appelle 7, qui est sorti sur Morc Tapes, donc qui est le label de son copain, de son chéri. Et puis c'est la particularité de ce disque, hein, c'est que c'est d'avoir une belle photo déjà, et puis c'est que c'est un 8 pouces. Donc ces éditions avec où c'est directement gravé même le CD, c'est pas des pressages. Et donc le vinyle peut-être que voilà, le vinyle, et puis donc C'est donc c'est des pièces limitées à très peu d'exemplaires. J'avais chopé, je me souviens, c'était, je crois que c'était un des derniers où il m'avait peut-être vendu sa copie personnelle, je crois, Vim, à ce moment-là. Et donc voilà. Donc Agnès Montserré, bah, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et puis qu'on a sorti aussi sur le label. Bon voilà, moi je suis fan. Et puis. Un ami, hein, quand même. Oui, mais alors je vais me faire casser la gueule si je le dis. et puis bah, Mortel, c'est un label. Je sais pas si tu es suisse label. Mais c'est donc le label de son copain, c'est celui qui fait Circle Bros. Je sais pas si tu connais non plus. Mais c'est très bien, quoi. C'est tous les trucs faits maison, comme ça, avec beaucoup de... Quoi, c'est tout fait à la maison, et puis c'est... Bah, c'est écoute, c'est, ça a son charme, c'est charmant, c'est charmant. Mais oui, c'est bien. Moi, j'aime le fait à la maison. Voilà. C'est lequel, ouvert ? C'est celui qui est vide, malheureusement. Ah. Et puis... bah... Châteauneuf du Pape, non, vous avez... Et puis pour finir, allez, cette spéciale pute, la dernière sortie du label, quoi, une des dernières sorties du label, qui marque le 10e disque du label, donc déjà, et puis c'est... Voilà, c'est... Champagne. Champagne, bravo, bravo. Trincon. Alors voilà, je prends mon verre. Bravo. Bravo. Et c'est Manine Carré. Thank you. pute. C'était bien. Et quoi? Oui. C'était joli. On coupe alors. Voilà. Allez. On se dit à trois. À trois, on coupe. On se voit à la prochaine. Voilà, exactement. À bientôt. Allez, un, deux, trois.